Bonjour et bienvenue dans votre horoscope pour la semaine du 22 juillet 2024. Bélier, grâce à Mars, vous êtes désormais plus motivé et les tâches qui semblaient contraignantes vous semblent moins pesantes. Gardez cet enthousiasme pour avancer avec succès. Côté relations, jusqu'à mercredi, Vénus et Jupiter vous envoient de meilleures ondes. Vivez à fond votre épicurisme, c'est le moment. Taureau, les choses sont moins fluides dans cette fin de mois, mais vous avez de la ressource, oui, la ressource nécessaire pour garder la forme. En vacances, misez sur les plaisirs aquatiques. Côté relations, jusqu'à mercredi, Mercure et Vénus accentuent votre nervosité. Ne proférez pas de mots que vous pourriez regretter. Gémeaux, Mars, fraîchement installé dans votre signe, vous procure de la double vitalité. Misez aussi sur votre intuition pour atteindre la bonne cible. Côté relations, jusqu'à mercredi, Jupiter vous promet une rencontre enchanteresse. En duo, vivez pleinement l'amour sans vous poser de questions. Cancer. En début de semaine, le Soleil et Mercure vous amènent un éclairage financier. Faites donc le bilan de juillet pour mieux équilibrer votre budget du mois d'août. Côté relations, vous aimez organiser, servir de guide à votre famille et vos amis. Alors foncez et ne retenez pas vos élans généreux. Pion. Mars en Gémeaux vous aide à retrouver de la souplesse. Laissez tomber certains entêtements et vous avancerez plus vite. Côté relation, le soleil de votre signe attire la lumière sur vous. Vénus travaille à l'épanouissement de votre vie sentimentale. Répandez donc la bonne humeur autour de vous. Vierge, vous commencez à ressentir de la fatigue. Prenez donc le temps de vous reposer et profitez de quelques instants de soleil, avec modération bien sûr. Côté relation, Mercure dans votre signe à partir de vendredi améliore vos relations qui étaient quelque peu éteintes dernièrement. Alors, profitez-en pour appeler vos amis. Balance, jusqu'à jeudi, Mercure et Jupiter vous aident à convaincre lors de vos démarches professionnelles ou commerciales. Mettez en avant vos points forts et optimisez ainsi vos chances. Côté relations, le Soleil et Vénus attisent vos désirs et votre séduction. Ne restez donc pas sur le banc de touche. Scorpion, selon Mars en Gémeaux, vous ne tenez pas en place. Non, en vacances, vous avez beaucoup de mal à rester dans les files d'attente. Au travail, tâchez de vous concentrer davantage. Côté relations, en vacances, évitez les voyages en groupe. Votre nature indépendante risque de ne pas le supporter. Sagittaire, toute la semaine et surtout vendredi, vous imposez votre vision des choses. N'oubliez pas de garder une certaine souplesse pour ne pas créer de blocage. Côté relations, maintenant, Vénus, le Soleil, Pluton et Jupiter renforcent votre charisme et votre impact sur autrui. Demandez et vous serez servi. Capricorne, Jupiter vous seconde dans vos transactions ou dans vos petites affaires. Alors sortez de votre coquille et osez négocier. Côté relation, un amas planétaire insiste sur votre sensualité. Votre désir est puissant. Alors évitez cependant trop d'impatience pour ne pas faire fuir l'objet de vos rêves. On prend le temps. Verseau, Mars gomme les lassitudes que vous ressentiez auparavant. La lumière estivale nourrit vos cellules de vigueur. Profitez-en. Côté relation, entre lundi et jeudi, le Soleil, Mercure et Vénus vous comble. En duo, la communication et la tendresse passent 5 sur 5. En solo, une rencontre est même probable. Poisson, vous manquez un petit peu d'entrain, mais dès vendredi, Mercure facilite tout ça. En congé, évitez donc de rester des heures à ne rien faire, profitez-en pour explorer. Côté relation, vous devez compter sur des appuis pour poursuivre vos projets. Faites donc appel à la solidarité amicale et familiale, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'était votre horoscope de la semaine et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions.